Section 75 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 15, première partie. L'Empire grec jusqu'en 1204. Suite. Par Alfred Rambaud. L'industrie et le commerce. C'est encore dans l'Empire grec, parmi tous les États d'Europe ou d'Asie, que l'industrie était le plus active. Les manufactures de Constantinople, Thessalonique, Athènes, Thèbes, Corinthe restaient florissantes. L'industrie de la soie faisait la richesse de Thèbes et du Péloponnèse. Cependant, une fâcheuse transformation s'était accomplie à l'intérieur dans les conditions du travail national. Les empereurs, jaloux de leur autorité, achevèrent de détruire les anciennes corporations. Les commerçants, industriels et artisans, privés de toute organisation, furent livrés sans défense aux exactions des agents impériaux et à la concurrence de leurs rivaux étrangers. Le sujet byzantin avait cessé d'avoir le profit de son propre commerce. Il travaillait, mais d'autres trafiquaient. Peu à peu, les Vénitiens, Génois, Pisans, Amalfitains avaient accaparé le commerce de l'Empire. Établis à Constantinople même, dans leur quartier fortifié, s'imposant aux empereurs et à la population, ils réduisaient au minimum les bénéfices du producteur byzantin. Comme conséquence, ils étaient arrivés à ruiner la marine de commerce byzantine et toutes les industries qui en vivaient. Les contribuables de l'Empire ayant à supporter de si lourdes charges financières, à entretenir une cour fastueuse, une hiérarchie compliquée de fonctionnaires, une diplomatie prodigue d'or, un gros établissement militaire, succombaient en outre sous le poids d'abus séculaires, de traditions et de routines accumulées. Ils se trouvaient, à l'égard des libres républiques marchandes de l'Italie, un peu dans la situation où se trouve notre vieille Europe à l'égard de la jeune Amérique. Dans la concurrence industrielle et commerciale, la partie n'était pas égale entre Byzantins et Vénitiens. Rien que par l'action lente des lois économiques, ceux-ci devaient nécessairement ruiner cela. Il n'était pas besoin de donner l'assaut à Byzance. De cette exploitation de ses sujets par leurs concurrents étrangers, l'État byzantin ne tirait aucun profit. Les Vénitiens étaient parvenus à se faire exempter de toute taxe de douane, les Pisans et les Génois à n'en payer que de très faibles. Exigence fiscale. La source principale de leurs revenus étant ainsi tarie, les empereurs furent contraints d'augmenter, à l'égard de leurs sujets, toutes les exigences du fisc. Or, comme les biens immenses de l'Église en étaient exempts, comme un certain nombre de peuplades s'en exemptaient de vive force, c'était presque uniquement sur le petit propriétaire, sur le paysan, sur l'artisan, en un mot, sur l'homme de race grecque, que ces exigences retombaient. Cela aussi devait amener à la longue la ruine de l'élément hellénique. Si rigoureux était le système d'impôts que les habitants des confins de l'Empire, dès qu'ils pouvaient espérer un traitement un peu humain chez les barbares, s'empressaient de passer les frontières. En 1198, des villes entières, en Asie, se donnèrent au sultan seldjoukide d'Iconium. Quand les croisés envahirent les pays grecs, le peu de résistance qu'ils y rencontrèrent s'explique par l'espoir entrevu par les peuples qu'il laisserait tomber le régime fiscal. L'Empire byzantin des XIe et XIIe siècles souffrait donc des mêmes maux que l'Empire romain du IIIe et du IVe. Il réconciliait d'avance ses sujets avec la domination des barbares. Exactions des fonctionnaires. Les exactions des officiers impériaux s'ajoutaient aux exigences légales du fisc. En 1092, elles provoquèrent la révolte des Crétois et des Chypriotes. Le fonctionnaire byzantin ne semble pas, à cette époque, avoir progressé en moralité. Niceta cite un ministre d'Isaac II qui prenait de toutes mains, acceptant jusqu'à des pommes et des melons. Jean Lagos, préfet du prétoire d'Alexis III, s'entend avec les voleurs qu'il garde en prison, les lâchant dans la cité pendant la nuit et partageant ensuite avec eux leur butin, s'appropriant les aumônes que les gens pieux envoient pour les détenus. Constantin Francopoulos, chargé de réprimer la piraterie dans la mer Noire, attaque les navires de commerce qui se rendent à Constantinople, jette à la mer une partie des marchands et s'approprie les cargaisons. Quand les survivants viennent se plaindre au palais, ils ne peuvent obtenir la restitution des marchandises volées parce que le fisc en a reçu sa part, que les écritures ont été passées et que dès lors l'affaire est classée. Un autre amiral, Stryphonos, pille les fonds de la marine. Misère économique de l'Empire. Ce ne sont pas seulement les sujets qui souffrent de la ruine économique et morale de l'Empire. La cour en souffre aussi. Dans ce magnifique décor de la monarchie, dans ce sacré palais aux toits d'or, aux mosaïques d'or, sous le poids de ces vêtements impériaux tout raides de broderies d'or et surchargés de pierreries, de perles et de diamants, sous cette couronne aux pendeloques étincelantes et sur ce trône qui a pour support des lions d'or rugissants, l'empereur se ressent de la gêne universelle. Il est comme le fils d'une ancienne et opulente maison qui a conservé intacts les écrins de famille, la vaisselle précieuse, les galeries d'œuvres d'art, mais dont la caisse est vide et qui ne vit plus que d'emprunts et d'autres expédients. Les étrangers continuent à croire que sa fortune est immense, démesurée, incalculable. Les Vénitiens et autres croisés, en 1203, ne sauront quelle somme assez fabuleuse exiger de lui. Et cependant, déjà, Alexis Ier, pour soutenir la guerre contre les Normands, est obligé d'enlever des bijoux au tombeau des impératrices et de dépouiller les églises de leurs ornements. Quand Alexis III décorait une église, c'était toujours en dépouillant quelque autre sanctuaire. Les anciens temples et palais sont encore debout, mais on n'a bâti plus de nouveaux. Les temps de Justinien, le grand constructeur, ne reviendront pas. Le seul fait qui serait en désaccord avec cet appauvrissement général que nous entrevoyons, c'est que les monnaies byzantines de la chute de l'Empire d'Occident en 476 jusqu'à la prise de Constantinople par les croisés ont toujours été frappées du même poids et du même alliage, finlay. Aussi, la monnaie byzantine jusqu'au XIIIe siècle est-elle restée sans rivale, le modèle de toutes les autres. Elle fait prime dans le monde entier. C'est toujours sur de l'or et de l'argent de bon aloi que sont frappées les effigies des empereurs, gardées de Dieu. Peut-être cet excès de loyauté ou d'orgueil, quand toutes les autres conditions de la vie économique étaient transformées, a-t-il contribué à l'appauvrissement de la monarchie. La marine militaire. Le nombre des vaisseaux de guerre à Byzance dut diminuer avec celui des navires marchands. La population de matelots, qui recrutait les équipages des uns comme des autres, dut souffrir de la crise économique, abandonner la navigation. En outre, elle fut décimée par les ravages des corsaires de toute nation. Que cette faiblesse fût réelle, on le vit bien par l'histoire du pirate génois Caffaro, qui, en 1198, pille Hadramyte et ravage les îles de la mer Égée. Contre lui, Alexis III est contraint d'employer le pirate calabrais Styrione et ne vient à bout de lui qu'à l'aide des vaisseaux pisans. Si la marine impériale avait conservé son ancienne puissance, aurait-on permis à Isaac Comnène de se maintenir empereur dans l'île de Chypre? Quand même elle aurait pu conserver le même matériel flottant et les mêmes effectifs, sa puissance relative s'était amoindrie. Autrefois, elle était la première flotte, presque la seule, du monde chrétien. Mais voici que se créent en Europe de nouvelles puissances maritimes. Les flottes de Venise sont si bien maîtresses de la mer qu'Alexis III n'a pu empêcher le débarquement des croisés. L'armée. À mesure que s'affaiblit dans l'Empire l'élément vraiment hellénique, que les stratotailles et les cabalarois, endettés ou dépouillés de leurs fiefs, ne peuvent plus recruter des armées nationales, l'élément étranger y prend un rôle prépondérant. De tout temps, les empereurs ont eu des auxiliaires et des mercenaires étrangers. Maintenant, c'est d'eux que dépend presque uniquement le salut de l'Empire. Justinien avait eu des Antes, des Slaves, des Goths, des Hérules, des Vandales, des Longobards, des Arméniens, des Huns. Au Xe siècle, on a des Hongrois, des Russes, des Khazars, des Bulgares, des Arméniens, des Caucasiens, des Arabes. Au XIe siècle apparaissent des Danois, des Anglo-Saxons, des Vlaques, des Lombards, des Normands d'Italie, des Allemands. Alexis Comnène a parmi ses généraux des Francs, Herbabios, Hervé, Roussel de Bayeul, Crépin ou Crispin, Pierre Aliphas, Pierre d'Aulps, Hillebrand, Randolph, un Francopoulos, un Humbertopoulos, un Espagnol nommé Guzman. On a des Petcheneg, des Koumans, des Seldjoukides. De là, le nom de Grand Turcople, donné à un des hauts dignitaires de l'armée. Anne Comnène nous raconte une des batailles livrées sous son père. L'aile droite de l'armée impériale est composée de Turcs, l'aile gauche d'Alain, la ligne d'éclaireurs de Scythes. La savante princesse réserve le nom de Celtes aux Français de France et aux Normands d'Italie. Elle reconnaît leur bravoure. À l'occasion d'une bataille qu'un des généraux d'Alexis a refusé de livrer, elle nous les montre, seule dans l'armée, frémissant de cette inaction et réclamant avec fureur le combat. Elle nous décrit leur armement. Longue lance, cotte de maille, bouclier poli qui renvoyait à l'ennemi ses traits les mieux lancés et l'aveuglait des feux qu'il réverbérait. Elle les appelle cataphractes, armés de toutes pièces. Elle reproche à tous ces latins d'être une race vénale qui, par un amour déréglé de l'argent, est prête à vendre ce qu'elle a de plus cher contre l'espérance d'un gain sordide. Moins que jamais, on peut se passer d'eux. L'empereur a une garde particulière, composée de Varangiens, c'est-à-dire de Scandinaves ou d'Anglais chassés de leur pays par la conquête normande. Ils sont armés de la grande hache saxonne. Les Grecs leur donnent le nom de Palaikourophoi. Leur chef s'appelle Lakolouthos, parce qu'il ne quitte jamais l'empereur. Adronic, pour sa sûreté, compte sur deux choses. Dans la chambre à coucher, son chien. Sur le seuil, ses gardes varangiens. Les Francs, aux ordres de leur connétable, Contostaoulos, sont plus nombreux que jamais. Alexis Ier, qui a eu tant de peine à enlever Nicée aux croisés, enrôle des déserteurs français ou normands de l'armée de Bohémond. Jean Comnène, dans un combat contre les Seldjoukides, est si ravi des exploits d'un chevalier latin qu'il enjoint à son neveu de lui céder son propre coursier. Les empereurs avaient des raisons pour compter sur ces latins plutôt que sur leurs propres sujets. Les jours de révolution, comme ils étaient étrangers aux factions et entendaient à peine la langue du pays, ils restaient fermes du côté de celui qui les payait. Les jours de bataille, ils ne ménageaient pas leur sang. Robert de Clary nous raconte à ce propos une historiette qui devait avoir cours dans les camps latins. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Manuel s'entoura toujours de latins et leur distribua des fiefs de stratotaille. Quand il donne l'assaut à Corfou, ce sont les quatre fils de Pierre d'Aulps qui montent les premiers aux échelles. Lors de la terrible affaire des gorges de Myrocéphale, Baudouin d'Antioche, beau-frère de l'empereur, périt avec presque toute l'aile droite, composée de chevaliers français. Isaac Lange, parmi ses 4000 prisonniers normands, enrôle ceux qui consentent à le servir. À un certain moment, ce sont les montagnards du Caucase, ibériens ou géorgiens, Lazes, Abazes, qui forment le plus fort contingent. On en compte jusqu'à 18 000 dans Constantinople. La décadence militaire de Byzance se marque aussi dans certaines parties essentielles des arts de la guerre. Sous les Langes, on ne répare plus les forteresses, et comme on ne se décide pas à raser celles qu'on ne peut défendre, les Vlaques s'en emparent et s'y retranchent. Les Grecs sont en retard sur nos trancheurs et ingénieurs dans l'art d'assiéger les places, de pousser des mines. le feu grégeois n'effraie plus les croisés. Les chars inventés par Alexis Ier, les chausse-trappes qu'il a voulu employer contre la cavalerie normande, 1083, n'ont pas réussi. La balistique des Grecs paraît être devenue inférieure à celle d'Occident. Günther nous dit que les assiégés de Constantinople n'osaient plus faire de sortie, surtout à cause de nos balistes. Comme plus rare en était chez eux l'usage, plus terrible et plus dangereuse ils en estimaient l'action. La légère cavalerie des Grecs ne pouvait soutenir le choc de la nôtre. Un seul de nos coursiers en renversait 15 des leurs. La civilisation byzantine. On ne bâtit plus. Donc, plus de grands noms d'architectes. Depuis la querelle des iconoclastes, il n'y a plus de statuaire byzantine. La peinture d'icônes reste stationnaire. Plus de grandes écoles de législation. On s'en tient aux basiliques. De cette époque, il ne nous est resté que de rares nouvelles. Il y a seulement quelques jurisconsultes qui puissent se comparer au Michel Psellos et au Michel Ataliote de l'âge précédent. Zonaras, l'historien, Agio Theodorita, Théodore Balsamon, Chartophylax, sous Manuel, et évêque d'Antioche sous Isaac Lange. Démétrios Comalène, archevêque de Bulgarie, vers 1219, etc. Tous plutôt canonistes que juristes en droit civil. Dans la littérature, au contraire, le XIIe et le XIIIe siècle sont signalés par une véritable renaissance. Elle se manifeste surtout dans la manière d'écrire l'histoire, sous forme de véritables mémoires. Il est remarquable que ce genre nouveau coïncide avec les premières œuvres de ce genre qu'est produite la langue française, celle de Villehardouin et Robert de Clary, en première ligne, quatre historiens, dont les œuvres, d'un accent tout personnel, contrastent avec la sécheresse des précédents chroniqueurs et analystes. Le César Nicéphore Brienne, mêlé aux guerres et aux négociations du règne de son beau-père Alexis Ier, auteur de mémoires qu'il nous donne pour de simples matériaux d'histoire, Historias, sa femme, Anne Comen, dont l'Alexiade est destinée à compléter l'œuvre de son mari, Jean Synanmus, ou Kinamos, historien de Jean Emmanuel Comnène. Nicetas Acominat d'Oxone, qui, reprenant les événements au point où les a laissés l'Alexiade, 1118, les a menés jusqu'en 1206. Parmi les chroniqueurs méritent d'être cités Jean Zonaras, Michel Glicas, Constantin Manassès. Le moine Jean Doukas a raconté ses voyages en Syrie et Palestine. Si fécond fut ce siècle des Comnènes, que presque tous les genres littéraires en ont été réveillés. Au grand nom d'historien, il faut ajouter celui de Nicéphore Blemmides, qui refusa d'être patriarche, et ceux de quatre prélats qui firent trêve à leurs travaux de théologiens pour s'occuper de littérature profane. Eustrate, métropolite de Nicée, étudie la philosophie d'Aristote. Grégoire, métropolite de Corinthe, est un grammairien. Michel Acominat, métropolite d'Athènes, est un rhétoricien et un poète. Eustate, métropolite de Thessalonique, est un humaniste. Un érudit est le narrateur ému des malheurs de sa ville épiscopale. Théodore Prodromos cultive à la fois la poésie légère, la satire, le roman, Rodande et Dosiclée. Eustache Macrambolite écrit un roman en prose, Ismine et Isminias. Et Nicétas Eugénaios, un roman en vers, Drosila et Chariclée. Byzance, en ce siècle, eut même des dramaturges. L'auteur anonyme d'une Passion du Christ en 2640 vers. Michel Ploquelios, qui écrivit une scénette où il met en scène un paysan, un sage, la fortune, les muses, etc. Théodore Prodomos et Jean Kamateros ont écrit des poèmes astrologiques qu'ils dédièrent l'un à la princesse Irène Comnène, l'autre à l'empereur Manuel. Ces auteurs écrivent dans la langue savante, très distincte de celle du peuple. Celui-ci avait assurément sa poésie orale en langue vulgaire, chants épiques, dans le genre du poème des Digenis Acriatas, chants lyriques, d'amour, de danse, de funérailles, de printemps, des moissons. Nous n'en avons que de très rares et très courts spécimens. La chanson du fils d'Andronique et celle d'Armuris paraissent se rapporter à la période des Comnènes. Ce n'est guère qu'à la période suivante, celle des paléologues, où l'hellénisme renaquit et reprit conscience de lui-même, que les Grecs abandonnèrent leur nom de Romains pour reprendre celui d'Hélène. En face du grec byzantin se manifestera, comme langue littéraire, le romaïque, c'est-à-dire le grec vulgaire. Mais il est, comme langue populaire, plus ancien que l'Empire. Ce n'était pas sans raison que l'Église officielle proscrivait les vocables véritablement nationaux, de Hélade et Hélène, continuant à regarder comme synonymes les mots d'Hélène et de païen. Dans les vieilles populations helléniques, libres montagnards de Tsaconie, du Magne, du Pinde, même serfs de la plaine, se conservaient toutes les traditions de l'esprit grec, y compris celles du paganisme. Dans la chanson d'Armuris, le héros combat les Sarrasins de Cappadoce au nom de son dieu le Soleil. Dans toutes les épopées populaires qui nous sont parvenues, on ne rencontre pas la moindre allusion au christianisme. Même dans les poèmes crétois, qui sont un remaniement moderne des textes plus anciens, il règne le silence le plus absolu sur la religion dominante, Satas. Quand le moine Christodoulos, sous Alexis Ier, débarque dans l'île de Patmos, il y trouve debout une statue de Diane. Quand son contemporain, le moine Mélétios, vient bâtir un couvent sur le mont de Myopolis, entre Thèbes et Athènes, il débute par baptiser les villageois, souvent de force. Beaucoup des militaires de race grecque ou albanaise, Stratiotai, Armatol, professaient comme le peuple les vieilles croyances et superstitions. Splendeur de Constantinople. On a vu quelle admiration inspirait à deux visiteurs bien différents, Benjamin de Tudèle et Villehardouin, la capitale de l'Empire. Même stupeur émerveillée chez tous les pèlerins qui ont pris la peine de nous conter leurs impressions. Faute de mots pour les rendre, ils se répandent en exclamations. Oh, quelle cité! Combien noble! Combien plaisante! Combien pleine d'églises et de palais d'un merveilleux travail! Fouché de Chartres ajoute « Sur les places et dans les rues, que d'œuvres admirables! Il serait fastidieux de faire l'inventaire de cette opulence en toutes sortes de richesses, or, argent, vêtements, aux formes diverses, reliques des saints. Il y a bien là 20 000 eunuques. » Un seul de ces voyageurs nous apporte un peu de précision. C'est Robert de Clary, chevalier amiénois. Il a profité de ses loisirs, entre deux sièges, pour visiter en détail la cité souveraine. Il ouvre de grands yeux devant les boutiques des changeurs et orfèvres. Les grands monts de Bessan et les grands monts de pierres précieuses. Il nous promène à travers le grand palais du Boucoléon, qui, comme le Kremlin de Moscou, était plutôt un amas de palais et d'églises dans une enceinte fortifiée. Il y trouve 105 mentions, 30 chapelles grandes ou petites, et parmi elles la Sainte Chapelle. Elle est toi si riche et noble qu'il n'y avoit gonds ni verrous qui ne fussent d'argent, ni colonnes qui ne fussent de jaspe, ou de porphyre, ou de riches pierres précieuses. Et le pavé de la chapelle est toi d'un blanc marbre si lisse et si clair qu'il semblait qu'il fût le cristal. Dans le moustier Sainte-Soufie, chaque colonne guérissait de quelque maladie ceux qui s'y frottaient. La table de l'autel, longue de 14 pieds, était d'or et de pierres précieuses fondues ensemble. 100 lampadaires étaient formés chacun de 25 lampes, dont chacune valait bien 200 marques d'argent, etc. Partout des statues équestres en bronze des empereurs. Sur la spina de l'hippodrome, Si y avoit-il image d'hommes et de femmes, et de chevaux, et de bœufs, et de chameaux, et d'ours, et de lions, et de moultes de manière de bestes jetées en cuivre, qui est-toi si bien faite et si naturellement formée, qu'il n'y a si bon maître en païennisme, ni en chrétienté, qui suste mieux pour traire, ni si bien formée image. Elle joua par enchantement ces images, ce sont les chefs-d'œuvre dont Nicétas a dressé le catalogue et déploré avec larmes la destruction. De toutes les cités de la Grèce, européenne ou asiatique, par la suite des temps, elles étaient venues s'accumuler à l'hippodrome dans un incomparable musée. C'était Bellérophon chevauchant Pégase aux ailes éployées. C'était l'Hercule du grand statutaire Lysimaque qui ramassait sous sa peau de lion, le coude sous le genou et le menton dans sa main, méditait sur sa rude destinée. Des sphinx amenés ici des bords du Nil. Hélène à la taille svelte, aux bras blancs, aux belles jambes. Au reste, les Byzantins commençaient à perdre le sens de l'art antique. Pour eux, Bellérophon était Josué arrêtant le soleil. Une Minerve fut détruite, entre les deux sièges, par les Grecs eux-mêmes, parce qu'elle avait une main tendue vers l'Occident. Ces immondes imbéciles l'accusaient d'avoir appelé l'armée latine, Nicétas. D'autres richesses tentaient encore plus nos croisés. Constantinople n'avait pas seulement recueilli les chefs-d'œuvre du monde antique, mais collectionné les reliques du monde chrétien. À la Sainte-Chapelle du Boucoléon, Robert de Clary admirait les morceaux de la vraie croix, gros comme la jambe à un homme, et aussi long qu'une demi-toise. Le fer de la Sainte Lance, deux des clous qui clouèrent le Christ, la fiole de cristal qui reçut le sang de son côté percé par l'engin, la bénoiste couronne dont il fut couronné, l'habit de Notre-Dame, le chef de Monseigneur Saint-Jean-Baptiste, le Saint-Suaire, la Sainte Tunique, etc. Robert de Clary n'est pas seul à les considérer d'un œil de convoitise. L'histoire des pérégrinations de ces reliques après le pillage forme toute une littérature. Fin de la section 75.